Ok, Erso. Ok, on est un cousin. DJ Naya Production. Erso, P1, P2, coup de ray. Ok. Arrête. Ok. Prends le mic, appelle le 17. Aucune disquette, pousse même tes bicettes. Joue pas au biche, fuck les bicettes. Erso, j'fais un perso, peur de personne. Cache ton shit dans le perso, tonne de texte en verso. Écoute le xeté, et goûte à mon xeucé. Et boy, tout ceci, alors t'mets pas à sucer. J'compte pas muser, j'aime pas m'amuser. J'suis trop rusé, de speed comme une fusée. Trop de putain parle, c'est trop abusé. Pucé, mes boucs qui déboulent. J'suis sans tabou, c'est pour Abou Bakar. C'est pour les Antilles de l'Afrique jusqu'à Dakar. Bâtard, attends. Je t'attaque, tu me trouves à ta gauche, tac tac au PML. Sur mon maillot, c'est mon ghetto. Du sky dans une bouteille de Vittel. Sec pasteur, et ouais, ma gueule, je suis fidèle. Lève tes bras, Yasga, je te quebre en vitesse. Je te violais, salope, si j'ai envie d'elle. Au fond, bon chat, pour avoir une vie belle. Ok, écoute, cousin. Écoute, RSO. Écoute, je bute des mes débuts, sais-tu qui s'y ont tu pour des thunes. Passe-toi mon bitune, écoute-moi où tu veux, même sur iTunes. Prends ma bien que je veux pas, tu sais la bite pour un feature. Il n'y a pas de king, c'est de la zone, sorte avec qui tu pasteur, pas, c'est de l'aile, viens l'attaque. Pas qu'est-ce tu veux peut-être entendre la voix du Beretta en plein gars. Alors je m'arrête pas, les keufs qui n'arrêtent pas de guetter. Ici c'est ghetto, ouais poto, là où tu trouves des mecs pétés. Faut pas où se péter, ou on te casse ta gueule pédé. Tu veux être pétard, pédale, fuck les pétards. Ta passe finit sur mes dalles, la dalle, on l'a brutal. On lèche des bigs dans tout ce que je touche, viens du cristal. Arcole remet, normal qu'on fuck ta mère. Mec qui se le bat dirige dans ta tête. Belle gars, c'est du pur BLK. Visif qu'on a, les 357 et Beretta en plein gars. Alors je m'arrête pas, stir pas, RSO que du Texas. Au Blanco, y'a plus d'armes qu'au Texas. Fais pas le fou, sinon va te niquer ta remède.